dans la merde ou dans la soie. Faire son mieux. Y'a pas de morale. Touche pas à ce que j'aime. Fait du rap de bénévole depuis la cour d'école. Depuis que les cons des mondes disent mais putain drôle, tu les connes. Je suis calme et avec l'essence ricane. Sauf quand y'a trop d'alcool mélangé dans ce putain de jerrycan. On fait de l'or en pas, du mal à nos remparts. On fonce dans le mur, faut franchir les remparts. De part en part, c'est la rue qui nous rempart, c'est qui nous a remparé. En marche donne ma vision des choses et ça me fait pareil. On est des provinciaux car nous on vient pas de Paris. C'est l'air d'y évater, allez viens on lance les paris. On vit au Porto, mais v'là de porte les caribes. Car toujours sous tension. Les deux doigts t'as la prise. Mais tu crois que c'est la fièvre alors qu'en fait c'est la crise. Tu prends une belle écreuse, les deux pieds t'as la mouise. La tête au fond du seau, tu reprends tes esprits. Tu rebouches le trou et fous le camp, mais c'est donc ça nos. On en a pas avec, écoute c'est son rap et sur le pavé. Gavé, comme c'est fin de soirée en GAV. Le tout c'est de rester brave car le diable nous a épargné. Placé, on n'est pas ici du même pas. On en a pas avec, écoute c'est son rap et sur le pavé. Gavé, comme c'est fin de soirée en GAV. Le tout c'est de rester brave car le diable nous a épargné. On n'est pas ici du même pas. Borsalino sur le crâne, laisse ça aux créateurs du mouvement. Les acteurs se tirent dans les pattes alors qu'on sprint dans les sables mouvants. Des doutes et des questions d'égo surdimensionnés. Parmi toutes ces déceptions, non, je suis pas sûr de les mentionner. Garde une distance et l'avantage de pouvoir frapper du poing. Car les sales gamins tentent à croire qu'ils peuvent les mieux rapper du coin. Une image floutée par la toile, ces attraits de notoriété. Dingue de voir ce pas valider soir torse nu tout l'été. Corpulence d'Apollon sur la culture d'Apollinaire. La rime est un peu longue, est-ce que je suis complètement inerte. Braille dans le mal, car la quête est intensif, la corde est trop sensible. Ce qui fait que parfois je parle mal. Et soit tu t'ouvres aux autres, soit tu te barricades. Et sous la couche d'os, serrer la main n'a plus rien d'amical. Ça prête à confusion, et cela même à mon égard. Quand on tire des conclusions, disons qu'on réfléchit déjà afin d'anticiper la suite. Pourquoi pas stopper la chute. Leur dire fait la cible en visu, et moi je devais la chauder. On en a pas avec, écoute c'est son rap et sur le pavé. Gavé, comme c'est fin de soirée en GAV. Le tout c'est de rester brave car le diable nous a épargné. Blasé, on n'est pas ici du même pas. On en a pas avec. Écoute ce son rappé sur le pavé. Gavé comme c'est fin de soirée en GAV. Le tout c'est de rester brave car le diable nous a épargné. Placé, on n'est pas ici du même pas. J'prends mon courage à deux mains et ça dès aujourd'hui. Parfois j'flanche, c'est la fuite et mes péchés s'alourdissent. Mais c'est la stricte réalité dans ma street. Fais-toi l'idée qu'on n'aura jamais la carrière de Johnny Hallyday. Normal c'est pas ce qu'on cherche autour d'un verre on se concert. J'te parle de genre de soirée qui se finissent par un concert. J'te parle de toi et moi mes ex et j'en suis peu fier. J'te parle de genre de vie qui se finit par un concert. Y'a pas de quoi se fendre la gueule donc déjà c'est dit. Si tu me vois faire l'imbécile c'est seulement l'expression scénique. Les apparences te trompent, estompent ton regard sur le globe. Un effet de mode qui dompe tes dompes. Tu penses comme les autres, forge-toi ton avis. Avec les expériences passées, ça c'est pas sûr qu'y arrive. Car les rapaces ne cessent de jacasser, blasé. Le seum est trop fort, j'm'excuse, s'amuse. De les voir tous raconter les mêmes trucs. On en a pas avec, écoute c'est son rap et sur le pavé. Gavé, comme c'est fin de soirée en GAV. Le tout c'est de rester brave car le diable nous a épargné. Blasé, on n'est pas ici du même pas. On en a pas avec, écoute ce son rap et sur le pavé. Gavé, comme c'est fin de soirée en GAV. Le tout c'est de rester brave car le diable nous a épargné. Blasé, on n'est pas ici du même pas.